Znači maka moći testi, si se ljudi useći. Pa testi ku te bjanka se to skaki. Te tešan ne zike po ženeva. E ga to je se pas ka se ki ne bon lui. Ka ženeva ka mon sang devenir une. Tu se jeune qui nique le feu. Dans tous les checkers de ženeva. Il y a trop de jeunes qui se la jouent scar là. Tous les jeunes on le souhaite de devenir grand. C'est pour ça qu'ils se la jouent dur dès l'âge de 13 ans. Mec faut jamais embrouiller un gars du EV. Sinon il va te niquer avec son armée. Toujours OP même désarmé. La famille Doucette qui va te clasher. Tous les jeunes fument des bédos très tôt. C'est pour ça qu'ils sont trop cons et trisos. Moi je peux pas voir ces gamins insultés, mal parler à leur mère et leur père. Mais bon, on ne peut rien y faire. C'est comme l'écran, quand ils demandent un peu de dollars, ils sortent direct les poignards. J'ai pour nos morts quelques rimes à dédier. En quelques mots, c'est un hommage à tous les quartiers. Les armes apportent que dalle à part la mort. Si tout le monde lève le poing, c'est qu'on est tous d'accord. Ouais, ok. Genève, Genève, tu peux pas tester la ville des Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'était un peu de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester car. Si c'est Genève, Genève, tu peux pas tester la ville des Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'était un peu de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester car. En impro, mon cerveau est toujours prêt pour niquer, c'est pas chaud en quelques mots. Je te le dis, car je viens de Genève et je te clash comme je veux en tuer. Que t'auras même envie de me niquer, pourquoi tu dis que nos amis que Genève ont une tas de passes, ils n'osent même pas venir sauver ta goutte, mon gars. Genève a trop de blèmes dans la vie à cause de Kefi. Je dédicace cette zique pour mes frères, les blancs, les métis et les renois. C'est pour ça que si jamais on est réunis, on péta, gars, déteste pas Genève, la petite ville peuplée de Kaira, de Scarla. Je chlasse les fils de pute de skin pour que mon quartier soit clean. Faites fin à cette guerre et faites la paix, mes frères. Faut jamais être avec des gars qui foutent la merde, car ça va vous mettre dans les emmerdes. Nous, ce qu'on te dit, c'est dégage, casse-toi dans ton village. Avant qu'on ait la rage, alors fais tes bagages et pars en voyage. Et trace avant qu'on te nique ta race de garce. Ouais, ok. Ici c'est Genève, Genève, tu peux pas tester la ville de Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'est fils de pute de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester. Ici c'est Genève, Genève, tu peux pas tester la ville de Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'est fils de pute de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester. Va surtout pas dans un autre quartier, car tu te feras menacer comme au EV. Fais gaffe avec les comtés, car si t'es un étranger, tu comptes pour beurre. Alors il peut te péter jusqu'à que tu meurs. Ces gars font les gentils devant ta famille, mais quand elle n'est pas là et que t'es face à ces gars, ils vont te péter jusqu'à que tu perdes ton sang-froid et que tu balances à haute voix celui qui ont fait ça. Et si tu balances pour éviter les emmerdes, tes amis tu vas les perdre. Les étrangers, dès qu'ils sont nés, ils sont tout de suite jugés par les quistés. Dès que moi et mes potos, on change de domaine, on est obligé de recracher notre haine. C'est sur cet instru que je me suis inspiré, que je me suis lancé, que je me suis enchaîné. J'espère que t'as compris que dans ces pays, on est tous une belle famille. Ouais, ok. Genève, Genève, tu peux pas tester la ville des Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'est fils de pute de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester. Si c'est Genève, Genève, tu peux pas tester la ville des Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'est fils de pute de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester. Si c'est Genève, Genève, tu peux pas tester la ville des Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'est fils de pute de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester. Si c'est Genève, Genève, tu peux pas tester la ville des Lascar. Là-bas c'est mon nique, c'est fils de pute de star. Ok, toi t'sais pas, 1, 2, 0, 0, Genève, tu peux pas tester.